L'espagnol avec Michel Thomas, méthode pour débutants. CD numéro 4. Parler se dit hablar. Hablar. À l'insistant sur la dernière syllabe. Alors, pour tous les verbes, si vous voulez employer les présents, il faut insister sur l'avant-dernière syllabe à l'oral, comme on l'a vu par exemple avec necesito. S'il n'y a que deux syllabes, il faudra donc accentuer la première des deux syllabes. On l'a vu par exemple avec quiero, tengo. Quiero, tengo. Il y a une exception. C'est le cas du verbe estar. Vous l'avez sans doute déjà remarqué avec les formes estoy et está. Mais pour tous les autres verbes, on accentue l'avant-dernière syllabe. Et après cette syllabe accentuée, pour la forme avec je, on relâche sur le o. Quiero, tengo, puedo. Si l'on représentait ça par un graphique, on aurait une courbe qui monte, puis redescend. Elle monte sur l'avant-dernière syllabe, par exemple sur pue, pue, et redescend sur le do. Puedo, puedo, quiero, necesito. Allons, prenons le verbe parler, qui se dit hablar. Hablar. Et maintenant, comment direz-vous je parle? Attention à la position de la syllabe accentuée. Hablo. Hablo. Hein, c'est ça. Hein. À la première personne du singulier du présent, hein, donc avec je, on insiste sur l'avant-dernière syllabe. Puis, on relâche sur le o. Hablo. Hein, je parle. Acheter se dit comprar. Donc, j'achète, c'est compro. D'accord, hein? Compro. Hein? Vous avez bien insisté sur l'avant-dernière syllabe. Et j'ai remarqué que vous avez un peu hésité avant de donner la terminaison. Mais vous avez bien fait de réfléchir avant de donner la terminaison, parce que en espagnol, la terminaison est capitale. C'est elle qui nous indique le sujet, puisque, habituellement, on ne précise pas « je », « il », « vous ». Donc, « compro », c'est du présent, et c'est la première personne du singulier, la forme du « je », puisque on a un « o » final. « Compro », j'achète. Alors, « je l'achète », c'est « lo compro ». D'accord, « lo compro ».« Je l'achète ». Lo compro. Et je ne l'achète pas. No lo compro. D'accord. No lo compro. Vendre se dit vender. V-E-N-D-E-R. Hein? Vender. Alors, je le vends. Ça sera vendo. Lo vendo. Lo vendo. Oui, mais je voudrais entendre plus clairement la syllabe accentuée. Lo vendo. Bien, lo vendo. Hein? On insiste à l'oral sur l'avant-dernière syllabe. Et tout de suite après, on fait attention à la terminaison du verbe, pour savoir de quelle personne il s'agit, hein? Qui fait l'action. Et si on entend le O final, alors on sait que c'est yo, je. Donc, encore une fois, je le vends, c'est lo vendo. Bien, lo vendo. Et je ne le vends pas. No lo vendo. D'accord, hein? No lo vendo. Comprendre se dit comprender. Alors, je comprends, c'est comprendo. Bien, comprendo. En insistant toujours sur l'avant-dernière syllabe. S'il n'y a que deux syllabes, alors on accentue la première. Sans ça, c'est toujours l'avant-dernière syllabe. Comprendo. Je comprends. Je le comprends très bien. Je le comprends. Lo comprendo. Lo comprendo, hein, oui. Très bien. Muy bien. Lo comprendo. Hein, lo comprendo muy bien. Et je ne le comprends pas très bien. No lo comprendo muy bien. D'accord. No lo comprendo muy bien. Alors, encore une fois, comprendre c'est... Comprender. Comprender. Il faut insister sur la dernière syllabe. Je comprends. Comprendo. Je voudrais entendre un peu plus nettement la syllabe accentuée. Comprendo. Révise-la encore une fois. Comprendo. Comme. Et maintenant, accentuez bien clairement. Comprendo. Comprendo. Hein, c'est ça. Comprendo. Et je le comprends. Lo comprendo. C'est ça. Lo comprendo. Et je ne le comprends pas. No lo comprendo. D'accord. No lo comprendo. Et si vous dites à quelqu'un que vous vous voyez, hein, à usted, je ne vous comprends pas, ça sera... No le comprendo. Tout à fait. No le, hein, c'est ça, no le... Comprendo. Bien. No le comprendo. Je ne vous comprends pas. No le comprendo. Alors, encore une fois, je comprends. Comprendo. Comprendo, oui. Si je comprends, c'est comprendo. Est-ce que vous pouvez deviner comment dira-t-on vous, hein, usted, comprenez? Vous devriez pouvoir le trouver tout seul. Comprende. Tout à fait. Hein? Comprende. Vous, hein, usted, comprenez, avec un E final comme dans tiene. Hein? Vous avez, quiere. Hein? Vous aimez ou bien vous voulez. Puede, vous pouvez, qu'on a déjà vu auparavant. Et vous le comprenez, ça sera lo comprende. D'accord, hein? Lo comprende, très bien. Et est-ce que vous le comprenez? Lo comprende. C'est ça, lo comprende. Pourquoi est-ce que vous ne le comprenez pas? Por qué no lo comprende. C'est ça. Por qué no lo comprende? Et comment direz-vous, est-ce que vous me comprenez? Au lieu de le, vous aurez... Me. C'est ça. Donc, me comprende. D'accord. Mais me comprende, c'est une affirmation. Hein? Vous me comprenez. Mais si c'est une question, est-ce que vous me comprenez? Vous direz... Me comprende. C'est ça. Me comprende. C'est la même phrase, mais avec une intonation interrogative. Et pourquoi est-ce que vous ne me comprenez pas? Por qué no me comprende. D'accord. Por qué no me comprende.